Chapitre 3e. L'entretien fut brisé net par l'appel du déjeuner. Au premier grondement du gang, la jeune fille sauta sur les pieds pendant que Boyne lui disait « Si vous n'avez pas déjà une place retenue, peut-être pourrions-nous prendre une petite table ?»« Merci mille fois, je déjeune avec mes petits. » Et Boyne se souvint avec regret que le palace marin qu'occupait les Water comportait une salle à manger à part pour voyageurs en bas âge. Force lui fut de se rabattre sur sa place ordinaire à une table d'épave comme lui-même, une consciencieuse dame à lunettes qui potassait la Sicile, un vieux monsieur qui confiait tous les matins à ses voisins « J'ai toujours dit que le bacon qu'on vous sert sur les transatlantiques est meilleur que ce que l'on me sert chez moi », et un pâle clergyman à qui ses paroissiens offraient un voyage de vacances. Tout de suite après leur pas, Boyne se dépêcha de regagner sa chaise dans l'espoir de retrouver sa charmante voisine. Mais il n'y avait personne, et la place demeura vide jusqu'au soir de l'interminable journée bleue qui n'en finissait plus de se pencher vers la nuit. « Papa et maman, » avait dit la jeune fille. « Papa et maman, ce ne pouvaient être que les Clive Water, les vieux amis de Boyne, les Clive Water, état original, épreuve avant la lettre. » Dans ce cas, sa mince voisine était la fille du ménage, une fille aînée venue peu de temps après le mariage, dont un fruit postérieur de 13 ou 14 ans était ce vigoureux petit Chip. Mais à peine en était-il là, que l'image énigmatique du trio Zinni, Bun, Beachy vint bousculer cette solution trop facile. Diable de dés, comment diantre expliquer les dés? Qu'est-ce que c'était que ces mioches-là? D'où est-ce qu'ils sortaient? Comment ces intrus cadraient-ils avec un groupe de famille où Judith a un bout? Oui, c'est bien ainsi qu'on l'appelait. Chip à l'autre fermait le cercle. Des bribes de détails jetées par la jeune fille lui dansaient dans la tête, avec les noms des petits pruneaux, Bun et Beachy. Pas de chez nous, c'est des Italiens. Mais alors ces deux-là, ils n'étaient ni à Clive Water ni à sa femme. Pour celle-ci, pas de doute. La jeune fille avait dit que la mère était dompteuse. Il ne restait que Zinni, le diablotin rouge. Elle demeurait, celle-là, totalement inexpliquée, et rien, dans sa frimousse effrontée et intelligente, obstinée en trompette et semée de taches de son sous son peloton de laine orange, rien, ne faisait penser à une parenté quelconque avec les deux petits noireaux. Américaine, cette Zinni, agressivement américaine, autant que Beachy et Bun étaient italiens, et beaucoup plus que les trois aînés, chez qui le caractère ethnique se trouvait un peu effacé par les frottements cosmopolites. En botanique, on aurait dit que les dés offraient le type de l'espèce, tandis que Judith, Blanca et Terry étaient d'exquises fleurs de jardin, ce qu'on appelle des hybrides. Enfin, plus notre héros s'enfonçait dans le problème, et plus il le trouvait obscur. La vie de bord la plus unie se prête à 100 petits rapprochements agréables. À la fin de la journée, l'antique demoiselle que les jeunes Water appelaient Scopie reparut, seule cette fois et cherchant un endroit où s'asseoir. Boyne lui montra aussitôt la chaise vide auprès de lui. La vieille fille répondit avec un austère sourire. « Les nôtres sont de l'autre côté, mais c'est égal. Je peux m'asseoir pendant que Judith se repose. » Et elle s'installa mécaniquement avec des gestes d'une précision anguleuse. Elle accompagna cette action d'un timide regard de bienveillance et ajouta « Il paraît que vous êtes un ami de la famille. » Boyne fit un oui empressé et la vieille demoiselle reprit sur le même thème, en développant cette idée que c'était un soulagement dans ses grands voyages qu'elle faisait avec les enfants, de trouver quelqu'un de connaissance qui pourrait rendre service en cas de difficulté. Non pas qu'il eût, maintenant, aucune raison de se tourmenter, mais c'était pour Judith une bien grosse responsabilité que de transplanter toute la tribu de Biskra à Venise, et d'ailleurs, on n'était jamais tranquille avec Terry. Au bout de 4 mois de Biskra, cet enfant n'avait pas repris comme on l'espérait. Il avait toujours le soir un peu de température, et Scopie soupira en détournant son visage de dur à cuire où se perchait, comme une hutte d'ermite sur une falaise, son chapeau. « Je comprends que cet enfant vous donne du souci. Il a la mine un peu tirée. » dit Boyne avec l'espoir qu'un ton de cordialité pourrait de fil en aiguille amener la vieille fille à faire des confidences. Du souci, c'est trop dire. Judith ne voudrait pas de ce mot-là. Seulement, on est toujours un peu sur le qui-vive. Elle soupira encore, et il vit qu'elle tournait la tête pour cacher ses yeux qui se mouillaient. Comme vous dites, c'est une responsabilité terrible à l'âge de Mademoiselle Water. Si je me permets de parler de son âge, c'est que je le devine à peu près. J'ai beaucoup connu les parents avant leur mariage. À la satisfaction de Boyne, la nommée Scopie accueillit cette nouvelle beaucoup mieux que ses jeunes ouailles n'avaient fait tout à l'heure. Elle y prit un vif intérêt et parut même rassurée d'apprendre qu'un personnage aussi posé que Boyne avait, à un moment donné, fréquenté la maison. « C'est dommage que vous ayez cessé, » dit-elle en émettant un autre de ses soupirs. « Que voulez-vous ? Nos routes se sont passablement écartées, si bien que d'abord je me demandais... Mais maintenant j'ai vu Chip et je pense que tout va bien. » « Pauvre petit Chipstone. Oui, c'est lui notre espoir et notre consolation. » Elle baissa les yeux et une rougeur passa sur ses pommettes de briques comme un coucher de soleil sur un mur de granit. « Vous comprenez ? Terry est si délicat. C'est souvent ainsi avec les jumeaux. Monsieur n'était pas tranquille tant qu'il n'y avait pas d'autres garçons. Chip a l'air d'un gaillard. On peut bâtir là-dessus, c'est solide. » Elle eut un petit sourire blême et murmura. « Oh, celui-là, il ne nous a pas donné une seconde d'inquiétude. » Tout cela était très intéressant, mais cela n'expliquait pas les dés, ces dés que Judith aimait comme si c'était des vrais. « Pas une seconde. Je voudrais pouvoir en dire autant des autres, » reprit la vieille fille, qui cédait, comme Boyne l'avait bien espéré, au plaisir d'aérer un peu les doléances de son cœur. Les autres, c'est-à-dire les petits métèques avec leurs scènes, leurs piailleries et toutes leurs comédies, ça, je ne m'y ferai jamais. « Mais, Zinni, celle-là n'est pas une étrangère, » dit Boyne, pour exciter la vieille institutrice. « Étrangère, si, étrangère à nos manières, et même pratiquement plus étrangère que les deux autres, qui au moins du côté du père. » Elle baissa la voix et jeta prudemment un regard circulaire avant d'ajouter « Vous avez entendu parler de Zinnia Lacrosse, l'étoile de cinéma. » Boyne explora sa cervelle assez mal meublée sur cet article et déclara finalement qu'il croyait que ce nom-là ne lui était pas inconnu. « Voyons, n'est-ce pas elle qui a épousé l'autre jour un monsieur qui fait courir Lord je ne sais plus qui ?»« Je ne sais pas quelle est la dernière de ces énormités. Il me suffit d'en connaître une. C'est qu'elle a épousé un jour Monsieur Water, et qu'elle en a eu Zinni. »« Épousée, Zinnia Lacrosse, la femme de Clive Water. » »« Mais alors, la mère de Chipstone, qui était-ce ?» Boyne avait envie de crier. « Assez de devinettes, donnez-moi le temps de respirer !» Mais sa voisine était lancée, elle ne s'arrêtait plus dans la voie des aveux et continuait à parler presque sans faire plus d'attention à lui que si son visage eût été la grille d'un confessionnal où elle versait tout ce qu'elle avait sur le cœur. Inconcevable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ainsi. Monsieur s'est offert cette coquine. Zinni est née de ce mariage. Du reste, il faut tout dire. Il est plus à plaindre qu'à blâmer. Moi, j'ai toujours pris son parti. Pensez dans quel état il pouvait se trouver quand madame l'a planté là, lui qui n'avait qu'une idée fixe, un deuxième garçon à tout prix. Vous comprenez, avec les millions qu'il a à lui laisser. Boyne fit le geste d'un homme qui se noie. Madame Water avait planté là son mari, mais quand, comment, pourquoi? Il supplia l'impitoyable narratrice de ne lui dire qu'une chose à la fois. Toutes ces apparitions d'inconnus, cette ronde de femmes et d'enfants étaient à donner le vertige. C'était un véritable casse-tête pour un homme qui venait de passer des années dans le désert. « Allez, monsieur, le vrai désert, c'est le monde où nous vivons, un désert où tous les 15 jours on roule sa tente comme des nomades pour s'en aller plus loin. Et les mariages aussi, des tentes comme les autres, des abris provisoires qu'on déploie un moment pour les jeter bas dès qu'on en a assez. » Cependant, la vieille fille avait compris que pour obtenir la sympathie de son interlocuteur, il fallait que celui-ci se débrouillât dans cet enchevêtrement familial, et après avoir balayé le pont à droite et à gauche d'un nouveau regard circonspect, elle se mit en devoir d'éclaircir le mystère et d'en combler les lacunes à l'usage de Boyne. « Vous comprenez, » dit la vieille fille, « Judith m'a dit que vous, Monsieur Boyne, n'est-ce pas ? Merci. Moi, Mademoiselle Scope, Horatia Scope. » L'horreur Scope, comme les enfants l'appelaient dans le dos, par un horrible à peu près. Et elle le savait, mais ne leur en voulait pas. « Vous comprenez ? Judith m'ayant dit que vous étiez lié avec sa famille, j'avais cru, naturellement, que vous étiez instruit de toutes les vicissitudes de ce ménage agité. Mais puisque je vois que vous ne savez pas, je vais essayer de vous tirer toute l'histoire au clair, si on peut se servir d'un pareil mot pour une affaire si compliquée. « Oh, cela n'ira pas sans peine, vous allez voir, mais si vous voulez quelqu'un de bien placé pour tout vous dire, vous ne pouviez pas mieux tomber. » Comprenez donc que j'étais de la maison, et gouvernante de Judith avant que Blanca et Terry fussent encore là, avant la première, non, je me trompe, avant la deuxième brouille grave, ajouta-t-elle, comme un historien vous dirait, avant l'invasion des Hittites. Des brouilles, il n'en avait pas manqué dans le ménage, on se perdait dans le compte de ces querelles intestines. Mais la grande crise, la crise fatale, avait éclaté le jour où Madame Water avait rencontré le prince, cet affreux Buendelmonte qui était le père de Bun et de Beachy, ou, pour mieux dire, de Béatrice et d'Astore Buendelmonte, qui était le vrai nom des malheureux petits. Ici, Boyne se prit la tête à deux mains. Il se sentait prêt de naufrager. Mais alors, si Zinny est la fille de Water, est-ce que Bun et Beachy sont des enfants de Madame? Et Chipstone, par pitié, à qui appartient-il? Mon Dieu, répondit la vieille fille, je ne m'étonne pas de votre étonnement. Je dirais même qu'il vous honore. Vous avez l'âme trop noble pour pénétrer du premier coup une réalité si pénible. Non, Bun et Beachy, Dieu merci, ne sont pas les enfants de Madame. Ce sont les rejetons de cette canaille de prince et d'une créature de basse catégorie, une écuyère de cirque, je crois, qu'il avait épousée et déjà abandonnée avant que cette pauvre Madame se fût prise d'une toquade pour lui. Une toquade est un vilain mot, mais c'est celui dont Madame se sert quand elle parle de cette malheureuse époque. Bref, Madame Water, dans cet accès de folie, avait voulu à toute force rompre avec son mari pour épouser son prince. Monsieur, qui n'était pas un mari exemplaire, se montra dans cette circonstance vraiment chevaleresque et prit les torts de son côté, cet euphémisme réjouit Boyne, pour permettre le divorce en faveur de sa femme. Mais il ne voulut pas se séparer de son fils et stipula 4 mois de visite annuelle que lui feraient ses deux filles. Et comme le procès donnait lieu à une vive discussion au sujet de la pension alimentaire, Madame avait dû céder sur le chapitre des enfants et ce fut le commencement des chagrins de Judith. Même toute petite, la pauvre enfant ne pouvait supporter les querelles de ses parents. Si cruellement qu'elle en souffrit, il fallut bien, hélas, qu'elle s'y accoutumât. Mais il y a une chose dont jamais elle n'a pu prendre son parti après le divorce et le double remariage, c'est d'être séparée de son frère et puis d'être emballée annuellement avec sa sœur comme un colis et de caramboler d'un palace à un autre dans tous les coins de l'univers où il pouvait arriver que se trouvât pour l'instant un de ses auteurs. C'est cela qui lui a donné, conclut la vieille fille, cet air précoce de maturité qu'elle a dans le regard. Heureusement, l'erreur de Madame ne fut pas longue. Le prince y mit bon ordre. Il ne lui fallut pas un an de vie commune pour révéler ce qu'il était. Pauvre Judith! Elle en sait quelque chose. Elle était seule avec sa mère à ce moment-là. Les derniers mois furent un calvaire. Mais, ajouta la Scope, si je me mets à faire des digressions, je n'aurai jamais fini. Je m'en tiens aux grandes lignes, juste ce qu'il faut pour éclairer l'histoire. Je vous disais donc que Madame ouvrit les yeux. Elle rompit avec le prince, mais elle s'était tellement attachée aux deux petits. Vous savez, il n'y a pas de meilleur cœur que Madame, qu'elle a voulu les garder avec elle et depuis, elle ne s'en est plus séparée. Le père était trop content de ce bon débarras. La mère aussi, c'est rien du tout. La vieille fille reprit haleine. J'espère maintenant que vous commencez à comprendre. Oui, je commence. Mais Chipstone, questionna Boyne avec une patience angélique. Chip, ah, celui-là, c'est un Water pur sang. Le cher ange, tout le portrait de son père, n'est-ce pas? Mais je vois que j'ai oublié quelques fils de l'écheveau. Où en étais-je? C'est cela, nous en étions à la séparation de Madame. Vous savez qu'il n'y a pas le divorce en Italie. Elle se croyait donc liée avec son prince pour la vie. Par bonheur, ses hommes d'affaires ont fini par découvrir que le prince était bel et bien marié, tout ce qu'il y a de plus légalement, dans je ne sais quel consulat, au bout du monde, avec la mère de ses enfants, et comme cette femme vivait encore, le mariage avec Madame devenait un cas de bigamie. Il était donc nul de plein droit, et Madame redevenait tout naturellement Madame Water. Et alors? Elle a eu un chagrin affreux et monsieur n'en menait pas large, lui non plus, parce qu'il n'avait pas tardé à découvrir ce que valait cette horreur qu'il avait épousée. Même, il venait de demander le divorce. Judith était alors une fillette de 13 ans, déjà raisonnable et sérieuse comme vous la voyez. Elle supplia ses parents et fit tant qu'elle les amena à se revoir et à causer, enfin, à essayer de se remettre ensemble, parce que les petits ne voulaient plus vivre séparés et passaient leur temps sur les chemins à être ballottés de côté d'autre comme des colis. Elle a fait ça, cette enfant? Judith n'est pas une enfant. Elle ne l'a jamais été. Elle n'a pas eu le temps. Enfin, c'est elle qui a trouvé moyen de rapprocher ses parents, échaudés et penauds de leur mésaventure, s'apercevant enfin du beau gâchis qu'ils avaient fait, si bien qu'ils ont convenu d'essayer de la vie commune. Ils se sont remariés voilà bientôt 3 ans. Chip est venu, et maintenant c'est le bonheur parfait et la vie en rose, jusqu'à la prochaine fois. « Vous dites ?» fit Boyne. La vieille institutrice lissa sa coiffure échevelée et tourna vers lui sa figure honnête et fatiguée. « Qui sait jamais ce que peut être l'avenir ? Du reste, ce que j'en dis, c'est par appréhension, par peur du destin qui m'écoute. Pour le moment, tout va comme sur des roulettes, et nous serions tout à la joie sans ce pauvre petit Terry. Sa santé laisse toujours un peu à désirer. Monsieur et Madame adorent les enfants, et pour Chip, ils sont tous les deux à genoux devant lui. Judith est persuadée que cette fois, c'est pour tout de bon, que le mariage tiendra. Si cela tient, ce sera grâce à Judith et à vous. Oh, grâce à Judith toute seule. Tous les petits font bloc avec elle. Ils ne veulent plus qu'on les sépare. Ils ne se laisseraient pas faire. Ils s'aiment bien, vous savez, quoiqu'ils n'y paraissent guère avec toutes leurs disputes et les bourrades qu'ils se donnent. Et pour leur sœur, ils ont de la vénération. Tous, même les petits métèques.